Elle est debout sur mes paupières, ses cheveux sont dans les miens, ses yeux changent avec la lune, elle est tour à tour de plomb et de plume, elle se réveille comme un forçat, un boulet à la place de son cœur. Histoire sans parole au bruit sonore, de la douleur, des pas-retours, l'amour a changé. Écoute entre les lignes, on lit entre les notes, apprendras-tu à m'écouter de loin. Écoute entre les lignes, on lit entre les notes, il s'agit de pencher le cœur plus que l'oreille. Un petit mot en bas d'une lettre, un petit bateau sans voile, sans toi, une épitaphe sur son passé. Bonjour, bonsoir, la page est tournée. Au kilomètre solitude, les PTT témoignent que la vie est rude. J'imagine, m'en voudras-tu, j'imagine que tu pars plus. Les retrouvailles, les ruptures, l'amour a changé. Écoute entre les lignes, on lit entre les notes, apprendras-tu à m'écouter de loin. Entre les notes, il s'agit de pencher le cœur plus que l'oreille. Apprendras-tu à m'écouter de loin? Écoute entre les lignes, on lit entre les notes, il s'agit de pencher le cœur plus que l'oreille. J'ai jamais été très doué dans la scène du bouquet de fleurs. Je trouve pas les mots, ceux qui veulent dire que je t'aime, c'est l'heure. Cendrier, des gueules de mégots, je fous ma vie en l'air. L'air ou le whisky, c'est malé, j'ai trouble dans la tête. Des pas-retours, écoute entre les lignes, on lit entre les notes. Apprendras-tu à m'écouter de loin? Écoute entre les lignes, on lit entre les notes. Il s'agit de pencher le cœur plus que l'oreille. Entre les notes, apprendras-tu à m'écouter de loin? Écoute entre les lignes, on lit entre les notes, il s'agit de